Le vaisseau fantôme par Charles Le Goffic. Voyez donc, quand vous irez à Kerfont-sur-Mer, mon vieil ami Célestin Baudu, capitaine en retraite de la flotte marchande et spécialiste en histoire de bord. Il en a tout un stock, fantastique à souhait, et dont il fournit au dénouement une explication de la plus rationnelle simplicité. Hier, par exemple, comme on discutait devant lui le rapport de la commission d'enquête sur le naufrage du Titanic, Célestin se recueillit un moment, poussa vers le plafond, à la manière d'une locomotive qui démarre, quatre ou cinq bouffées de fumée blonde, puis nous dit, en reposant sa pipe, « Ce sénateur Smith, quel âne, il énumère complaisamment tous les dangers qui menacent la navigation transatlantique et n'oublie que le plus grave, les vaisseaux fantômes. Ah bah, il y a donc encore des vaisseaux fantômes, capitaine. Oui, seulement ils sont à vapeur maintenant, c'est le progrès. » Certains parages, comme le golfe du Mexique, en sont littéralement infestés. On en rencontre aussi dans le nord, mais plus rarement. C'est pourtant là, sur le banc à verre, quand je commandais le Marie Gratis, que je fis pour la première fois connaissance avec leur face de vent debout. J'étais jeune, 26 ans, des muscles, de l'entrain, et toute la présomption de cet heureux âge. Il ne fallait pas m'en conter à moi, des histoires d'apparition. J'aurais rayonné des farceurs, tout de même. Depuis 15 jours que le brouillard nous tenait à la gorge sur ce maudit banc à verre, on n'avait guère le cœur à plaisanter. Quel brouillard! Figurez-vous de l'étoupe. Il n'y avait plus de ciel, plus de mer, plus de vent, plus rien. La brume avait tout avalé. Même un bon morceau de nos enfléchures. Positivement, on avait l'air de fondre, de se diluer dans tout ce gris. Les hommes là-dedans ressemblaient à des personnages de cinéma, et pas bien nets encore. Il n'y avait plus de couleur ni de relief, leur voix s'étouffait. Ça doit être comme ça dans le purgatoire, dit mon second, un vieux pratique du banc, Olivier Martret, breton, et qui avait l'esprit drôlement orienté depuis quelque temps. Alors, fis-je, on ne doit pas pêcher lourde morue dans ton purgatoire. Songez donc, depuis 15 jours qu'on n'avait pas pu mettre une Doris dehors, on se morfondait à ne rien faire. Le navire ne remuait pas plus qu'un roc, tant la mer était plate en dessous. Nous dérivions pourtant, mais d'une dérive si lente, si douce, qu'elle en était insensible, et peu à peu le silence s'était établi autour de nous. Dans les premiers jours, on entendait encore assez distinctement les cornemrumes des autres goélettes mouillées sur le banc. Le râle de bêtes blessées se répandait d'un bout à l'autre de l'horizon. On eût dit une immense agonie. Les râles se firent d'heure en heure plus sourds et plus lointains. Ils cessèrent tout à fait le soir du 13e jour, et ce fut comme si l'on avait tranché le dernier lien qui nous rattachait au monde des vivants. Aucune apparence que le temps vint à changer. Le baromètre restait stationnaire. Reverrait-on jamais le soleil? On commençait à en douter. L'équipage, gagné par l'engourdissement universel, se traînait sur le pont où s'affalait dans le poste, et il avait fallu que j'usasse d'autorité pour obtenir qu'on doublât les hommes de veille au beau soir et dans les unes. Précaution alimentaire sur une mer aussi fréquentée. Il était même tout à fait étonnant qu'aucun paquebot n'eût encore traversé notre route. « Voyez-vous, capitaine, me disait Olivier, tout ça n'est pas naturel. J'ai vu pas mal de brouillards dans ma vie, mais pas des brouillards comme celui-ci. Il y a quelque chose sûrement dans l'air. » « Oui, dis-je, des molécules d'eau en suspension. » « Sans doute, mais ces molécules-là n'expliquent pas tout. Avec les pires brouillards, on entendait le chant de la houle, les sirènes des paquebots, les cornes de brume des goélettes. Ici, on n'entend rien. La vie est comme suspendue, paralysée. On dirait que nous ne sommes plus dans la vie. Par exemple, et où diable serions-nous alors? Je ne sais pas. Il y a des choses qu'on sent et qu'on ne peut pas définir. C'est comme les icebergs qu'on ne voit pas et qu'on devine à la température de l'eau. Passe pour les icebergs. Mais qui veux-tu qui rôde autour de nous en plein mois de juin? Des revenants? Le voltigeur hollandais? Le grand baleinier de Saint-Harbor? Peut-être. Sacré breton, ne puis-je m'empêcher de dire en riant. Alors tu crois que la mer est hantée. Et c'est ça, d'après toi, qui fait qu'on a l'air de naviguer dans de la charpie. Je n'eus pas le temps d'en dire plus long. Un cri venait de tomber de la hune. Navire par tribord! Tonnerre de tonnerre! L'offre grand! Toute la barre à toi! Hurlai-je au timonier. Et je regardais. La grande masse sombre d'un cargo de fort tonnage s'estompait dans la brume à moins de 20 brasses de notre ange de tribord. Comme sa direction était perpendiculaire à la nôtre, un abordage semblait inévitable. nous corrions désespérément pour attirer l'attention du steamer, qui marchait heureusement à petite allure. Mais il semblait ne rien entendre, ne rien voir. Aveugle et sourd, il piquait droit devant lui, sans même prendre la peine, comme l'exigent les règlements, de faire jouer sa sirène de brume. Et ses hélices battaient l'eau en silence. « Le voilà !» gémit Olivier. « C'est celui qui rôdait autour de nous. C'est le navire fantôme. »« Fantôme toi-même » lançai-je au capon qui s'était cramponné à la balancine du gui. Ce silence, pourtant. Cette marche lente, mais inflexible, quand il eût été si facile au cargo, qui avait peut-être renversé sa vapeur, de donner un tour de roue pour nous éviter. Je ne sais comment nous n'y laissâmes pas notre peau, la Mary Gratis n'ayant pu achever son virage avant la collision. Mais le fait est que nous en fûmes quittes avec quelques avaries dans notre gréement. Et c'est alors que se passa l'incident le plus dramatique et le plus mystérieux de cette histoire. Car penché sur la liste du cargo, qui se présentait maintenant par le travers, nous discernions confusément une grande forme blanche, immobile, et deux fois plus haute et plus large qu'un être humain de taille moyenne. Au moment où les deux navires se frôlaient, le spectre se trouva en contact avec un de nos hommes réfugiés dans les haubans. Il détendit ses bras, happa l'homme. Tous deux roulèrent sur le tillac. On perçut un bruit de lutte, des grognements, un râle. Et avant que nous fussions revenus de notre stupeur, la brume s'était refermée. Le steamer fantôme avait disparu. Par une coïncidence singulière, la victime de cette mystérieuse agression était précisément mon second, Olivier Martret. Le capitaine Baudu reprit sa pipe, en secoua les cendres sur son pouce, la cura, puis la rebourra méthodiquement. C'est généralement après cette opération compliquée et avant d'enflammer une allumette qu'il consent à donner la clé de ses petits rébus maritimes. Nous attendions avec une certaine curiosité l'explication de celui-ci. « Présentement, dit le capitaine, on est assez bien renseigné sur les allées venues des navires fantômes. L'Army and Navy Register, que n'a fait une étude statistique, évalue leur nombre à 825. On les appelle là-bas d'un nom mélancolique les « derelicts », les abandonnés. Il y a plusieurs manières pour un navire de devenir vaisseau fantôme ou derelict. La fièvre jaune, la désertion, un incendie, un cyclone, que sais-je. Le vaisseau fantôme auquel j'avais eu affaire s'appelait le Wyoke Macduff. Il coulait bas, sans coup succombe, et son équipage s'était sauvé dans les chaloupes. Or, tout fait penser que c'est lui-même qui se coulait. Quelque ivrogne avait tourné le robinet des prises d'eau qui servent à inonder les cales en cas d'incendie. En quittant son poste, le mécanicien, par habitude professionnelle, referma les prises et le navire cessa de s'enfoncer. Il rôdait depuis 15 ans dans l'Atlantique, broyant, éventrant tout sur son passage. Il ferait peut-être encore des dégâts à la canaille si le commandant de l'Alcoa ne l'avait rencontré quelques jours après nous, par temps clair et mer calme, pas très loin d'Halifax, et n'avait réussi à l'amariner. J'ai su qu'il s'agissait bien de mon steamer fantôme, parce qu'il y avait sur le tillac le cadavre d'un ours blanc de grande taille. Le Wyoke Macduff avait dû toucher, peu avant notre rencontre, quelque iceberg où rôdait le terrible plantigrade. L'ours avait grimpé à bord, et c'est lui qui, affamé par plusieurs jours de jeûne, s'était jeté, en passant près de la Mary Gratis, sur ce pauvre nigaud d'Olivier Martret. Vous voyez comme tout cela est simple au fond. C'était Le vaisseau fantôme par Charles Le Goffic.